L'actualité à Nancy et ailleurs. Histoire au féminin volume 2, c'est le second projet du New Art Orchestra. Deux concerts sont programmés, le premier le samedi 2 décembre dans les grands salons de l'Hôtel de Ville de Nancy et le second le 3 décembre à 17h à la Louvière à Épinal en compagnie de l'orchestre symphonique spinalien Allegro Vivoge. Marion Studer, bonjour, vous êtes coprésidente du New Art Orchestra. Quelle est son histoire ? Bonjour, le New Art Orchestra, c'est une association qui est née de l'initiative de trois amis que la musique a réunis il y a plusieurs années de cela. Et parmi eux, il y avait un jeune chef d'orchestre, deux compositeurs et une idée à germer, créer un orchestre symphonique qui permettrait à chacun et chacune de pratiquer son art, mais on souhaitait également que l'orchestre soit porteur de valeurs qui nous tenaient à cœur. Et c'est pour ça qu'il y a 2 ans, le premier volet d'Histoire au féminin a vu le jour. Donc l'idée était de faire découvrir des compositrices de l'ère classique qui sont très peu programmées sur la scène musicale, ainsi que des portraits de femmes ayant marqué l'histoire sous forme de compositions composées pour l'occasion et jouées par l'orchestre lors du concert. Et on a remis ça cette année avec Histoire au féminin volume 2 pour présenter une autre compositrice. Donc cette année, ça sera Florence Price avec sa première symphonie qui sera mise à l'honneur. Et les deux compositions seront l'une sur Cléopâtre avec l'Égyptienne d'Émilien Cyr et l'autre sur Louisa Main de Guillaume Liberti. C'est les deux qu'on a choisi de mettre en musique pour montrer leur combat et leur place dans la société à leur époque. Voilà, donc vous êtes coprésidente du New Art Orchestra. Tout à fait. Comment s'était passée la première édition ? Eh ben, la première édition a été un succès parce qu'on a pu répéter en un week-end de 3 jours et monter le programme complet. Et on a eu de retours très positifs du public qui s'est montré présent et nombreux lors de notre concert à l'Hôtel de Ville, qui était heureux de découvrir des compositions et des œuvres de compositrices méconnues et de se rendre compte qu'il y avait des choses bien aussi composées par des compositrices. Pour cette année, vous avez eu 2 week-ends de répétition. Oui, on n'a pas profité du 11 novembre qui était collé à un week-end, donc on a eu 2 week-ends de répétition et 2 concerts du coup qui sont programmés sur Nancy et Épinal le week-end prochain. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui d'organiser ce genre de rendez-vous avec des compositions qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ? C'est difficile parce que déjà il faut que les musiciens qui composent l'orchestre soient intéressés par jouer des œuvres qu'ils ne connaissent pas et qui voilà, ils se lancent, ils nous font confiance et c'est un peu l'inconnu pour eux, donc il y a toute un volet de préparation en leur présentant les œuvres sous format de musique assez par ordinateur pour qu'ils aient une version audio et savoir un peu à quoi s'attendre. Et après, pour que ça soit accessible au public, nous, ce qui nous tient à cœur, c'est qu'il y a un petit volet pédagogique. Donc, on fait des présentations pédagogiques durant le concert pour expliquer les thèmes et comprendre un petit peu plus l'œuvre. Et des clés d'écoute sont rédigées par les compositeurs pour permettre au public, avec le livret qu'on donne à l'entrée, de comprendre plus en détail la démarche, ce que ça veut dire. Et ça permet de s'accrocher quand même assez facilement, même si voilà, on n'est pas très érudit dans la musique et notamment dans les compositions. Ça reste des compositions d'un style plus de musique de film que des compositions contemporaines. Donc ça peut tout à fait être accessible par des personnes qui ne sont pas forcément habituées d'écouter ce type de musique. Tout à fait. Et la symphonie de Florence Price est elle aussi très dynamique et très accessible. Ce n'est pas quelque chose de réservé à un milieu très musicien. Histoire au féminin, volume 2. Donc c'est, je le répète, le samedi 2 décembre dans les grands salons de l'Hôtel de Ville de Nancy. Et donc le dimanche 3 décembre, là ce sera à 17h à la Louvière à Épinal avec l'orchestre symphonique spinalien Allegro Vivoge. Et on pense déjà à une volume 3 ou à une évolution aussi, d'autres projets dans les cartons ? Il y a déjà d'autres projets, notamment au mois d'avril dans les Points de Pont-à-Mousson, qui seront aussi avec des compositions mettant à l'honneur des femmes lanceuses d'alerte notamment. Et pour la suite, l'orchestre ne s'interdit pas d'évoluer dans d'autres domaines musicaux, mais toujours en ayant en tête de répondre à nos valeurs et de ne pas faire de la musique pour juste faire de la musique, mais que c'est un sens derrière. Donc pour profiter de ce concert du 2 décembre, soit à Nancy, soit le 3 à Épinal, vaut mieux réserver sa place dès maintenant ? Oui, tout à fait. Les places partent vite. Il y a une billetterie qui est en place sur Eloasso. C'est disponible dès maintenant à la réservation. Et on peut suivre votre actu sur les réseaux sociaux, sur un site internet ? Tout à fait. On a Instagram et Facebook. C'est le nom de la page, c'est New Art Orchestra. Voilà, merci beaucoup Marion. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.